Piste 27. Exercice 4. 1. Maria est portugaise. 2. Ulrika est allemande. 3. Akamaru est japonais. 4. Saga est suédoise. 5. Abbas est congolais. 6. Peter est allemand.